Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 avec Valérie Levé. Et si vous avez écouté Futur Simple la semaine dernière, vous vous souvenez que nous avons décortiqué ce qu'est la science. Donc la science, c'est un état des connaissances pour décrire le monde, des connaissances qui sont acquises par la méthode scientifique, des connaissances valables jusqu'à preuve du contraire, donc des connaissances qui ne sont pas la vérité absolue et irrévocable, mais dont l'objectif des scientifiques est qu'elles s'en approchent. Alors, pour nous expliquer tout ça, je recevais Anthony Bertrand-Grenier, qui est doctorant en épistémologie et auteur du livre Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Et aujourd'hui, bien, on poursuit la discussion pour décortiquer ce qu'est la pseudoscience. Bonjour Anthony. Bonjour Valérie. Alors, avant d'embrayer sur la pseudoscience, peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur mon rappel sur ce qu'est la science, peut-être tu as quelques petites informations supplémentaires. Ah oui, bien sûr. En fait, je dirais, qu'est-ce qui distingue la science de, par exemple, notre intuition ou notre propre expérience personnelle? Parce que qu'est-ce qui fait que la science est si fiable? Bien, en fait, il y a quatre principes que la science suit pour justement faire en sorte que la science est fiable. Un, les scientifiques cherchent la vérité, ils tentent pas d'avoir raison. Donc, ils vont suivre les preuves, peu importe le sens des preuves. Deux, toutes les données doivent être accessibles à tous. Donc, qui que ce soit qui fait une expérience, il doit mettre ses données disponibles. Si jamais quelqu'un nous dit qu'il a inventé un réacteur à fusion dans son sous-sol, puis qu'il veut pas le partager, ben c'est pas scientifique. Puis, si c'est scientifique, il doit le partager. Ensuite, il doit avoir un examen rigoureux par les pairs qui est effectué, c'est-à-dire il y a d'autres personnes qui vont examiner ce qu'on fait. Et dernière chose, la quatrième chose, c'est que n'importe qui peut critiquer les études, puis un scientifique se concentre sur le contenu et non le contenant. C'est-à-dire s'il voit un prix Nobel dit quelque chose et un enfant dit autre chose, il va se concentrer sur ce qu'ils disent et non qui le dit. Et on se concentre vraiment sur les preuves. Donc, c'est un peu les quatre points que je voulais rappeler pour dire pourquoi la science est une méthode plus fiable que d'autres, si je pourrais dire. Ouais, c'est des bons compléments utiles à rappeler avant d'en venir à la pseudo-science. Alors, la pseudo-science, on entend le mot science, il y a pseudo, mais est-ce qu'on peut dire que ça constitue un état des connaissances de même que la science? Mais en fait, malheureusement, non, justement, je dirais plutôt que des connaissances, c'est des croyances. Donc, en fait, une pseudo-science, ben, c'est un concept qui n'a pas passé les tests de la science, mais que quelqu'un revendique que ça fonctionne, que c'est vrai ou que c'est efficace. Donc, par exemple, si quelqu'un dit qu'il fait du yoga pour faire de l'exercice, ben, c'est pas de la pseudo-science, ça. Par contre, s'il dit qu'il fait du yoga pour guérir son cancer, c'est de la pseudo-science. Donc, pour vulgariser rapidement, je dirais qu'une pseudo-science, c'est une affirmation qu'on n'a pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'elle est vraie. Donc, le yoga pour faire de l'exercice, ben, la personne qui fait de l'exercice, ça va. Mais dire que ça guérit le cancer, il faut qu'il y ait des preuves phénoménales pour montrer que le yoga guérit le cancer. Donc, on pourrait dire qu'une pseudo-science, ça peut être soit une fausse croyance, soit une croyance infondée ou une croyance qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Très souvent, c'est une croyance qu'on n'a pas suffisamment de preuves. Mais c'est un peu ce qui est spécial parce que une pseudo-science pourrait être vraie par hasard, mais comme Oui. j'ai mentionné, c'est que on n'a pas suffisamment de preuves pour prouver que c'est vrai dans le fond. Et c'est pour ça qu'on a besoin de passer des tests de la science. Et si jamais ça passe les tests de la science, ben c'est plus une pseudo-science. Ah bah oui, voilà, bonne remarque. Mais cependant, donc, ces croyances prétendent quand même présenter la vérité. Souvent, quand on entend les promoteurs d'une pseudo-science, ils affirment leur croyance comme étant des connaissances et une vérité. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, dans le fond, ces personnes-là, c'est dans l'affirmation qu'ils vont dire que, justement, que c'est vrai, alors qu'en fait, lorsqu'on leur pose la question, quelles sont les preuves que tu avances, ben là, ils n'auront pas suffisamment de preuves. Donc, malheureusement, c'est ça un peu le principe d'une pseudo-science. Par contre, ça, c'est surtout dans le domaine scientifique. Ce que je veux dire, c'est que si, admettons, je dis que, bon, en ce moment, je suis assis sur une chaise, mais si je dis, je ne suis pas assis sur une chaise, ou je crois pas que je suis assis sur une chaise, ça c'est juste une fausse croyance, on va pas dire que c'est la pseudo-science. Mais quand on a besoin de la science pour vérifier si c'est vrai ou pas, Ah ben là, on va parler de pseudosciences. Là, on va en parler plus tantôt, là, des exemples. Mais parfois, les promoteurs des pseudosciences vont donner comme preuve, bah, ça fait 5000 ans qu'on fait comme ça et ça a toujours marché. Est-ce que ça va être une preuve? Est-ce que c'est une preuve valable aux yeux de la science? En fait, non, parce que le fait que ça fonctionne. Mais en fait, ils vont dire que ça fonctionne, ça fait 5000 ans que ça fonctionne, mais en fait, ça fait pas nécessairement 5000 ans que ça fonctionne. On est capable d'expliquer pourquoi des gens disent que ça fonctionne, mais ça veut pas nécessairement dire ça. Puis aussi, ces personnes-là, leur méthodologie peut être différente, si je peux dire, là. Donc, tu sais, y a pas de méthodologie pseudo-scientifique. Tu sais, on passe les tests de la science, mais je dirais, y a trois conditions pour satisfaire une hypothèse en science. Un, l'hypothèse, elle doit être vérifiable. C'est-à-dire, on doit pouvoir la mesurer ou l'observer avec des variables, des phénomènes qu'on étudie. Deux, elle doit être explicite. C'est-à-dire, on doit spécifier les éléments qui vont être testés, puis quel va être le résultat qu'on s'y attend. Donc, admettons, mon chat est malade et je me dis, ah, OK, ça doit être sa nourriture qui le rend malade. Ben, mon hypothèse, je vais dire, c'est la nourriture qui te rend malade. Donc, je vais changer sa nourriture et je vais voir s'il est encore malade. S'il n'est plus malade, je ne peux pas en conclure dans l'absolu que c'est la nourriture. Il peut y avoir d'autres facteurs, mais ça renforce l'hypothèse de dire que ça peut être sa nourriture. Mais la troisième chose, l'hypothèse doit être réfutable. C'est-à-dire, on doit être en mesure de pouvoir établir un résultat qui montre que l'hypothèse, elle peut être fausse. Tu sais, un exemple de pseudoscience là-dessus qui est beaucoup utilisé en épistémologie, c'est la psychanalyse. La psychanalyse, elle est irréfutable par son essence. Pourquoi? Parce que il y avait, si, admettons, un psychanalyste me dit, si tu vois un enfant dans une rivière, est-ce que tu vas le chercher ou non? Puis, admettons, si je dis que je vais le chercher, le psychanalyste va dire, ah, c'est parce que tu pensais à ta mère. Puis, si je dis, je vais pas le chercher, ah, le psychanalyste va dire, c'est parce que tu pensais à ton père. Bon, c'est des exemples beaucoup trop simplistes, mais la psychanalyse n'est pas capable de faire de bonnes prédictions. En science, on doit être en mesure de faire des prédictions. Tu sais, la gravité, c'est un exemple. Si je prends mes clés puis je les laisse tomber, ben, elles vont tomber. Donc, la gravité, je suis capable de dire ce qui va arriver. Ben, on est capable de faire des prédictions avec la théorie de l'évolution, avec plein de choses. Mais la psychanalyse, on n'est pas capable, donc elle est irréfutable dans ce sens-là, et donc ce n'est pas scientifique. C'est pour ça qu'elle est vue, par exemple, comme une pseudo-science. C'est ça, donc les énoncés de la pseudoscience sont pas toujours irréfutables et peut-être aussi parce que finalement tant qu'on n'a pas fait suffisamment d'expérience, bah ça devient C'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, dans le fond, la question, c'est plus, est-ce qu'ils sont toujours irréfutables? Ben, en fait, ils ou sont est-ce qu'on pas. a fait assez d'expérience pour le prouver, pour le montrer que c'est réfutable ou irréfutable? C'est ça, exact. Tu sais, mais dans le fond, la pseudoscience n'est pas toujours irréfutable, mais il y a beaucoup de choses qui sont effectivement irréfutables. Je me rappelle d'exemple, quelqu'un qui avait mentionné que si on travaille assez fort, on va être capable de léviter dans les airs. Ben, en fait, si j'ai dit, ah, j'ai travaillé fort, puis j'ai pas réussi à léviter, ben, il va me dire, c'est parce que t'as pas travaillé assez fort. Mais ça, Voilà. c'est irréfutable, parce que à chaque fois, je vais lui dire, j'ai pas réussi à léviter, il va toujours me dire que c'est parce que j'ai pas travaillé assez fort. Voilà. Même chose, quelqu'un qui dit, ah, si tu pries assez fort, tes souhaits vont être exaucés. Puis là, mais, ah, je dis, ah, mes souhaits n'ont pas été exaucés, ben, c'est parce que t'as pas prié assez fort. Donc, c'est Ouais. irréfutable, C'est ça. irréfutable parce qu'on pourra toujours reprocher à la personne de ne pas avoir prié assez fort. Donc, Exactement, exactement. Oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des... Bon, on sait qu'il y a des exemples de pseudosciences dans le domaine médical. Bon, tu parlais un petit peu de psychanalyse, mais il y a d'autres exemples dans le domaine médical. Pseudo-science, ben dans le fond, dans le domaine médical, c'est souvent appelé une pseudo-médecine, donc ça concerne Ouais. la santé, le soin ou le bien-être. Très souvent, on va voir ça, là, et ils vont s'appeler médecine complémentaire, médecine alternative, médecine non conventionnelle, naturelle ou parallèle. Ben, en fait, ça porte mal leur nom parce que c'est ni de la médecine, puis c'est ni complémentaire ou alternatif. C'est un peu étrange à dire parce que, en fait, c'est ça, on va reparler des dangers tantôt, là, mais. T'sais, on a 6 fois plus de chances de mourir si on va à une médecine alternative plutôt que la vraie médecine pour traiter notre cancer. Puis c'est Qui est donc. démontré, ça? C'est démontré? Oui, il y a des études là-dessus. Puis c'est un peu normal parce qu'au final, une médecine alternative, pseudo-médecine, ben, c'est qu'elle n'a pas suffisamment de preuves pour montrer qu'elle est vraie. Donc, nécessairement, si elle n'a pas suffisamment de preuves, il y a des bonnes chances que ça ne fonctionne pas. Ouais. Mais essentiellement, ce qu'ont en commun les pseudo-médecines, ben, un, ils sont scientifiquement controversés, des fois même remis en question ou réfutés. Deux, ils n'ont pas fait leur preuve de leur efficacité, d'où le terme pseudoscience. Trois, on parlait de quelque chose d'irréfutable. Ils font souvent appel à des entités matérielles. Ils vont souvent dire qu'il y a une certaine énergie, un champ, un flux quantique, des auras, dont l'existence n'est pas prouvée, mais que la pseudomédecine va postuler comme étant existante. Mais c'est irréfutable. En quoi c'est irréfutable? Parce que On n'est si pas on capable de le tester. On ne peut pas l'observer. L'hypothèse de base, c'est qu'il faut être capable de l'observer. Puis justement, si on parle de flux quantique, énergétique, quelque chose, dès que ça sort le mot quantique, là, dès qu'il sort de la physique, là, ça. c'est ça, ça repose aussi sur des principes comme ça, irréfutables. Puis cinquième, c'est ça demeure en dehors du domaine de la médecine fondée sur les preuves. La médecine, c'est justement fondé sur les preuves. Puis oui, il y a des choses qui changent en médecine, mais dans le sens que c'est les meilleures données qu'on a pour traiter les patients. Donc, le jour qu'on trouve mieux, on va changer d'avis. Mais pour ce qui est de la pseudomédecine, c'est que ça n'a pas suffisamment de preuves pour montrer que c'est vrai. Donc, puis vite de même, il y a des exemples de pseudomédecine, là, le toucher thérapeutique, la réflexologie, les soins énergétiques, puis la médecine quantique, par exemple. Le mot quantique est bien dans la mode là, ces temps-ci. Mais cependant, elles ont la vie dure quand même, ces médecines, ces pseudo-médecines. Oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est normal parce que lorsqu'on n'a pas suffisamment de preuves pour montrer que ça fonctionne, Ah oui. mais que la personne revendique que ça fonctionne, c'est sûr que ça va être controversé. Puis le jour qu'une médecine complémentaire ou alternative prouve qu'elle marche, ben, elle va être intégrée à la médecine, tout simplement. Puis on a déjà vu ça un petit peu par le passé. C'est sûr, il y a toujours la balance bénéfice-risque qui arrive, là. Alors, je peux penser à certains produits naturels qui pourraient peut-être avoir une certaine efficacité, mais aujourd'hui, on a des médicaments qui ont été sélectionnés grâce à des produits naturels, ben, des plantes ou quelque chose, qui aujourd'hui, en fait, ben, on n'en a plus besoin de ces plantes-là, si je peux dire. Pourquoi? Parce que les médicaments sont énormément plus efficaces. Donc, tu sais, il y a toujours la balance bénéfice-risque, si je pourrais dire, là. Mais là, je suis pas en train de dire que tous les produits naturels sont bons, là. Il y a certains cas spécifiques, je dirais, là. Donc là, bon, le domaine médical, bon, a été investi par les pseudo-sciences, mais c'est pas le seul concerné. On en trouve d'autres. On peut penser, par exemple, à l'astrologie. J'imagine qu'elle n'a Oui. pas beaucoup de fondements scientifiques. Non, effectivement, ben dans le fond que l'astrologie, que les astres pourraient influencer notre comportement juste avec notre date de naissance. Je me rappelle dans les années 50, il y a des chercheurs qui ont demandé à des étudiants leur signe astrologique, puis ils ont distribué une feuille pour leur dire ah toi t'es Verseau, toi t'es Taureau, toi t'es Sagittaire, peu importe. Et ben la feuille disait des choses comme ben les gens que vous aimez comptent beaucoup pour vous, il y a des projets que vous avez pas encore réalisés. Puis bon, on a demandé aux étudiants si ça les représentait bien. Puis l'ultra grande majorité ont mentionné que oui, sauf qu'il y avait la même feuille. Dans le sens que l'astrologie va mentionner des choses tellement vagues qu'au final, on s'y reconnaît pas mal toutes. Puis les astrologues n'ont jamais fait mieux que le hasard pour être en mesure de. Tu sais, mettons, si on dit les comportements d'une personne, puis là, on dit, OK, c'est quoi sa date de fête, c'est quoi ta date de naissance ou son signe astrologique, puis les astrologues ne sont pas capables de faire le tout. Mais il y a plein d'exemples de pseudosciences hors du domaine de la médecine. On peut penser au créationnisme. J'ai mentionné la lévitation tantôt, la médiumnité, là, ceux qui mentionnent être capables de parler aux morts, les chasseurs de fantômes, même les chasseurs de soucoupes volantes. Oui, puis j'ai entendu parler aussi de la communication quantique, ou en tout cas le quantique est très à la mode, effectivement. Surtout moi, ayant étudié en physique, là, le mot quantique, là, pourquoi il est utilisé, c'est que dans les arguments fallacieux, on appelle ça de l'enfumage. C'est que le terme quantique, il y a presque personne qui le comprend. C'est juste un terme ultra compliqué. Puis il y a des décennies, on utilisait le terme onde. Puis il y a au-dessus de 100 ans, on utilisait l'électricité. Puis il y en a même qui disaient pouvoir contacter les esprits grâce à des fréquences radio. Mais en fait, c'est que le terme quantique, dès qu'on sort la physique, ben, je ne sais pas qu'il ne veut plus rien dire, mais. En fait, le terme quantique, ce qu'il veut dire, c'est que l'énergie est quantifiée dans les particules élémentaires, les électrons, lorsqu'ils changent de niveau. Ben, c'est ça que l'énergie est quantifiée. Fait que, tu sais, dire de la médecine quantique, ça fait juste aucun sens, en fait. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il fait de la médecine quantique, ouf, mais il va gagner le prix Nobel s'il prouve que ça fonctionne, là. Tu sais de quoi tu parles, parce que j'ai dit que tu faisais un doctorat en épistémologie, mais auparavant, tu as aussi un doctorat en physique. Oui, j'ai un doctorat en physique, là. Donc, c'est pour ça que la médecine quantique puis les soins énergétiques, ça vient plus me chercher que, Ouais. disons, autre chose que je m'y connais peut-être moins, Ouais. là. Ceci dit, donc, il y a quand même beaucoup de personnes, bah, beaucoup, il y a un certain nombre de personnes qui se fient aux pseudosciences. Mais est-ce qu'il y a des risques? Oui, et en fait, c'est ça, il y a beaucoup de risques. J'en ai nommé tantôt avec si alternative à la médecine, c'est que on va en pseudo-médecine plutôt qu'en médecine pour traiter une pathologie. T'sais, si on va traiter un rhume, c'est pas trop grave, mais si on va traiter un cancer, ben c'est là que les dangers sont énormément plus élevés. Mais je me rappelle en Suède, il y avait durant la COVID un collier qui était censé nous protéger contre les ondes 5G pour nous empêcher que le gouvernement nous, je sais pas, nous contrôle ou quelque chose comme ça, alors que le collier vendu était radioactif. Donc, au final, il disait protéger des ondes alors que lui émettait des ondes radioactives. Ouais. Ça, c'est totalement fou. Mais le grand danger, c'est souvent les pseudomédecines. C'est ça, comme je mentionne, des fois, on vend pseudomédecine sans aller à la médecine. Il y en a qui vont même utiliser les deux en même temps. C'est-à-dire, ils vont aller en médecine, ils vont faire de la chimiothérapie, puis ils vont prendre des produits naturels en même temps. Sauf que des fois, il peut y avoir des produits en pseudomédecine qui sont utilisés qui diminue l'efficacité d'un traitement. Ça peut arriver, ça. Donc, des fois, ça vaut plus la peine de ne pas les utiliser du tout. Des Il peut y fois, ça avoir des peut. interactions, des fois il peut y avoir des Exactement, c'est interactions ça. entre un produit naturel et puis le médicament lui-même, il peut y avoir Oui. des interactions qui exacerbent un effet secondaire délétère là du médicament lui-même, des fois, Oui, oui. exactement. Donc, par exemple, ça peut influencer les traitements. Ça peut même retarder la médecine. Je me rappelle. C'était malheureusement Steve Jobs, qui est quand même énormément connu. Il avait été diagnostiqué d'un cancer, puis il a décidé de faire de l'acupuncture, puis de prendre des jus de fruits à la place d'aller en médecine. Puis plusieurs mois plus tard, ben, le cancer avait toujours progressé. Et là, il a été en médecine. Mais en fait, il a quand même retardé ses L'a traitements. retardé. Donc, ça peut retarder, on peut penser ça. Puis ça donne un peu aussi de faux espoirs aux gens. Tu sais, quelqu'un qui te dit, ah oui, avec, je sais pas, les élixirs de vie, tu vas être capable de guérir de ton cancer. Ben, on fait confiance à cette personne-là, alors qu'en fait, elle n'a pas nécessairement d'idée si ça fonctionne pour vrai ou non, là. Elle n'a pas suffisamment de preuves, d'où pourquoi le terme pseudo-médecine, par exemple. Donc, Ouais. c'est quand même important dans ces circonstances-là de faire la différence entre la science et la pseudo-science, mais c'est pas toujours évident là. Bon, pour les gens qui ont une formation scientifique, ils vont peut-être être un peu plus éveillés, mais c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qui doit nous mettre à la puce à l'oreille si on a affaire à une pseudo-science? Oui, ben en fait, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire, c'est sûr. La chose à faire, c'est vérifier les articles scientifiques, mais je me doute bien que la majorité des Ah gens, oui. ils savent même pas comment y aller. Puis même moi, je veux dire, il y a des articles que je pourrais même pas être capable de comprendre, là. Il n'y Donc, a pas toujours des articles scientifiques non, reliés. exact. Et en fait, s'il n'y a pas d'articles scientifiques reliés à la pseudoscience, Ça, c'est pseudo scientifique. Parce que si on a besoin de la science pour prouver que ça fonctionne, ben, puis qu'il n'y a pas d'article, c'est de la pseudo-science. D'emblée, c'est sûr que c'est ça. On en voit très souvent quand quelqu'un crée une nouvelle thérapie manuelle, par exemple. Mais je vais donner des exemples de drapeaux rouges, tu sais, des red flags pour voir si c'est de la pseudo-science ou non. Mais mettons, un, est-ce que le concept figure sur des listes recensant des pseudo-sciences? On peut écrire dans des sites de recherche de Google, par exemple, liste pseudo-sciences, puis il y en a beaucoup. Puis il y a même des listes de pseudo-sciences sur Wikipédia qui sont quand Ah ouais? même très bien faites, là. Ah Donc, ouais? oui, puis il y en a des centaines et des centaines. C'est sûr, il y en a plus en anglais qu'en français, mais quand même, en français, il y en a quand même bien. Puis, dans le fond, déjà ça donne des idées. Une autre chose, c'est que si, admettons, on nous parle d'une nouvelle thérapie quelconque, on regarde, est-ce qu'il y a une page Wikipédia sur la technique? Parce que je dis Wikipédia parce que c'est quand même une bonne encyclopédie avec les références, là. Mais de base, c'est mieux les articles scientifiques, là, mais essentiellement, c'est souvent ça, là. Donc, s'il y a une page Wikipédia, ben, est-ce que la technique est décrite comme une pseudo-science, une pseudo-médecine ou médecine aide complémentaire, alternative ou non conventionnelle? Déjà, ça, c'est un petit red flag. S'il n'y a pas de page Wikipédia, C'est peut-être pas tant connu, mais c'est un peu étrange parce que est-ce que c'est intégré à la science, à la médecine? On sait pas trop, là. Si la personne, mettons, si on rencontre un thérapeute qui fait ce concept-là, je vais dire concept parce qu'on ne sait pas si c'est de la pseudoscience ou non, s'il nous invite à tester la technique par nous-mêmes pour juger de l'efficacité, c'est un drapeau rouge. Parce que on a justement besoin de la science pour prouver qu'un traitement fonctionne. On n'a pas besoin, je me rappelle, il y avait une boutique que j'avais vue qui vendait une lumière pour être capable de mieux dormir la nuit. Puis ils ont dit, ah, mais teste-le par toi-même. Mais en fait, non, tu dois me prouver par des études que ça fonctionne avant de me la vendre. Je veux pas la tester par moi-même parce que je vais être biaisé, je vais avoir des choses que c'est sûr Ben qu'il oui, y a le fait de des. l'avoir acheté, d'avoir dépensé, on En a été plus, induit à vouloir que ça marche pour pas avoir gaspillé de l'argent, c'est donc. ça, exactement. Aussi, quand on l'écrit, le concept dans Google, par exemple, si ça mène à des sites de formation ou des Ah. prétendus bienfaits, Ouais. ou genre pourquoi consulter, c'est un autre petit red flag. C'est pas énorme, là, c'est pas un absolu que c'est une pseudo-science, mais c'est un autre petite affaire. Si l'inventeur de ce concept-là a fait il a eu des poursuites judiciaires avec sa pratique, ou s'il est vu comme un charlatan, ben ça aussi, c'est quand même, j'avais vu, c'est ça, quelqu'un qui faisait de la médecine quantique, puis il est vu comme un gourou dans son pays. T'es comme, ah bon, ben c'est peut-être pas tant vrai. Ben, médecine quantique, là, moi, ça me convainc pas du tout, là, mais aussi, si c'est une pseudo-médecine, c'est-à-dire si c'est au niveau des soins ou du bien-être, si la thérapie qui soigne, elle prétend seulement soigner les maladies courantes comme le rhume, la grippe ou les maladies psychosomatiques comme le stress, l'anxiété, la dépression. Il y a des études qui ont montré que juste aller danser du tango va diminuer le stress, l'anxiété, la dépression, les émotions vont être mieux après ça. Donc, très souvent, il n'y a pas d'effet positif tant ça que c'est plus le fait de faire une activité et non Voilà. faire, je pense à de la méditation et des gens que ça les aide. Mais quand la méditation est vue comme sensationnelle, puis elle dit, ah, ça diminue le stress, ben juste le fait de faire une activité va diminuer le stress. Une autre chose, on avait parlé des arguments fallacieux dans une autre chronique, là, mais Ouais. si les pratiquants recourent à des arguments fallacieux comme c'est extrêmement populaire, c'est une médecine naturelle, ça fait des milliers d'années qu'on l'utilise, ou ça a été inventé par quelqu'un qui a 8 diplômes, ben ça c'est un appel à l'autorité. Ben en fait, ça, le fait d'utiliser des arguments fallacieux, c'est un autre petit drapeau rouge parce que normalement, il devrait nous parler de la science en premier. Normalement, il devrait nous dire, ah, oh, c'est démontré scientifiquement, ta ta ta et tout. Et ça, ils devraient donner des références d'articles scientifiques ou des études, Oui, c'est ça, exact. pas Puis, faire d'ailleurs, appel à des arguments oui. fallacieux comme ça, ouais. Et d'ailleurs, je pense à ça, si, admettons que c'est pas intégré dans le système de santé, c'est quand on va à l'hôpital et ça n'existe pas, ça aussi, c'est un petit drapeau rouge. Ça l'est pas totalement parce que faut pas associer médecine et système de santé. Parce que la médecine, c'est les connaissances issues de la science pour la prévention et le traitement des maladies. Puis le système de santé, c'est un réseau politique pour établir comment on établit les soins. Fait qu'il y a même des systèmes de santé dans le monde qui, eux, ont intégré des pseudo-médecines. Donc, oui, comme je dis, c'est un petit drapeau rouge, là, mais c'est pas une absolue, là. Puis la dernière chose, je dirais, c'est des termes à connotation scientifique comme énergie, flux, onde, vibration ou quantique. Enfin, voilà. C'est les red flags, je dirais. Ah ouais, c'est intéressant, ces petits drapeaux rouges, là, il va falloir les approprier et les Oui. mettre en pratique. Alors, merci beaucoup, Anthony, de nous avoir, Un d'avoir plaisir. apporté ton éclairage sur la pseudoscience. On est maintenant outillés pour distinguer la science de la pseudoscience. Alors, merci beaucoup, Anthony. Merci, Valérie. Et je rappelle que Anthony est doctorant en épistémologie, en plus d'avoir déjà un doctorat en physique, et il est aussi auteur du livre Guide ultime pour distinguer le vrai du faux, recueil intégral de la pensée critique. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine et il sera notamment question des allégations santé parfois fallacieuses, donc une bonne occasion de tester son esprit critique.